Chapitre 5e, Annie et Ecto. Enfin, dit M. Hector Gérardi, le maire de Gréoux, nous voilà tranquilles. L'assassin des 16 victimes est arrêté. Des 16 victimes? Fit Paul Bar. Est-ce bien sûr? L'idiot, Eusèbe Cornet, ne se rappelait rien, répondait oui à toutes les questions. Son irresponsabilité était évidente. Il obtint un non-lieu et fut envoyé dans un asile d'aliénés, section des fous dangereux. « Merci, monsieur l'inspecteur, dit le juge, grâce à vous l'affaire est finie. »« Finie ? » ?»« Et les assassins de Madame Lérand et de son gendre Ragotin ?»« Comment ? Ce sont des crimes signés ?»« Oui, mais de quel nom ? » ?»« Du nom d'Eusèbe Cornet ?»« Non. » »« Alors qui donc ?»« Attendez, bientôt peut-être pourrais-je vous le dire. » L'inspecteur demeura quelque temps encore à Grimaud. Ses promenades solitaires n'eurent plus lieu que le soir. Là, sur le terrain vague, il retrouvait la mère Anita. Il entrait dans son jeu, s'arrêtait sur la fausse tombe où la malheureuse apportait des fleurs, plantait ses bouts de bois. « Dors, mon petit, » faisait-elle, « dors, mon chéri. » Alors Paul Bar lui parlait doucement, longuement, et il arrachait parfois quelques bribes incohérentes à la malheureuse. À travers les mots sans suite de sa démence, il reconstituait une vieille histoire, un enfant qui était mort, qu'on lui avait tué. « Qui a tué votre enfant ?» Elle ne répondait pas, elle cherchait, elle ne se souvenait plus. « Dans le lit, » disait-elle avec effort, « dans le lit blanc. » Il se reprenait à fondre en larmes. Dans le pays, on l'avait toujours connue. Elle avait eu, racontait-on, des aventures de jeunesse, et puis elle était devenue folle. « Monsieur le juge, » dit un jour Paul Bar à M. Gormec, « il faut ordonner une perquisition chez Mme Lérand et chez son gendre Ragotin. Chez les victimes, c'est indispensable. » Vous ne tenez pas toute l'affaire des éventrements de Grimaud. Comment voulez-vous qu'il y ait des crimes semblables commis par des auteurs différents? Précisément. Quelqu'un s'est servi des crimes de l'éventreur, Eusèbe Cornet, pour supprimer deux personnes, sachant ainsi qu'on mettrait ces deux crimes avec les deux autres au compte de l'éventreur. Réfléchissez-y, c'était très fort, on devait penser comme vous. Tous ces éventrements sont commis par la même main criminelle du même individu. Mais quel serait ce coupable? Ordonnez les perquisitions, je vous le dirai. Le juge céda. Chez Ragotin, on découvrit seulement le bordereau de ses valeurs et son compte en banque. Il était considérable pour un petit employé qui paraissait sans fortune. Sa belle-mère avait acheté, payé comptant sa maison et son fonds de commerce. D'où venait toute cette fortune? Chez Madame Lérand, on ne trouva rien, si ce n'est un petit carnet noir contenant d'anciens comptes datant de plus de 30 ans. Le juge estima cette pièce sans intérêt. « Voulez-vous me la confier ?» demanda Paul Bar. L'ayant parcouru, il releva, presque effacé par le temps, cette mention « Annie, mille, hecto ». « Eh bien, » fit le magistrat, « un achat sans aucun doute de produits d'herboristerie, le carnet vous le dit, à Nice, en 1916, avant qu'elle ne fût herboriste. Et 1000 hectolitres. Allons, c'est impossible. Laissez-moi poursuivre mon enquête. À votre aise, mais à quoi bon ? Monsieur le juge, écoutez-moi. Madame Lérand et son gendre n'ont pas été éventrés par Eusèbe Cornet. D'abord, tous les crimes de celui-ci ont lieu en plein jour, au plus tard à la tombée de la nuit, le temps étant encore clair. Je sais pourquoi. Voulez-vous bien me le dire? Vous allez le savoir. Vous vous rappelez que j'ai voulu examiner les cadavres, tous les cadavres, et aussi leurs vêtements. Tout ceci avait, dans leur toilette, quelque chose de rouge. Le corsage pour la pauvre petite nièce de M. Gérardi, la pochette pour le jeune Gravereau, le foulard pour M. Lino et la chemise pour le cheminot Béchu. De même pour tous les autres, à l'exception de Mme Lérand et de son gendre Ragotin. Alors, je ne comprends pas. Or, Eusèbe Cornet, c'est un cas bien connu des psychiatres, comme beaucoup de criminels automates, était influencé par cette couleur. Je l'ai bien vu quand je l'ai arrêté. C'est quand il a vu mon écharpe que j'ai achetée toute rouge, exprès pour cette expérience, que sa face s'est transformée bestialement et qu'il s'est jeté sur moi le couteau à la main. Vraiment? Oui. Et il ne frappait que le jour quand cette couleur était visible. Ce n'est pas tout. Toutes les autres victimes ont été éventrées de bas en haut et leur blessure est rectiligne, juste dans la ligne médiane du ventre, de l'aine à la ceinture. Ragotin et sa belle-mère ont été frappés de haut en bas et la plaie est oblique. Tiens, tiens, tiens. Je récapitule. Ces deux victimes, frappées par un autre coupable, qui profite de l'occasion des crimes de l'éventreur, pour que le sien soit classé avec les autres. Fortune inexplicable des victimes, quel homme riche a pu la leur procurer, et qui n'a pu le faire qu'en s'appauvrissant lui-même. cette mention nous le dira peut-être. Oh, le chiffre est de 1000, ce n'est pas une fortune, c'est un renseignement. Cherchons Annie et Ecto. À bientôt, monsieur le juge. » Et seul dans sa chambre d'hôtel, Paul Barre se prit à songer. Il regardait l'inscription du carnet. « Annie, Anita !» Ce fut un trait de lumière, la folle pleurant son enfant mort. « Ecto, Hector !» Il répéta tout bas ce prénom et un nom. Pourquoi a-t-il voulu voir les cadavres, les blessures des cadavres? Il s'arrêta un instant dans ses déductions. Non, c'est insensé, et pourtant, l'homme ruiné, ruiné malgré son habileté en affaires, et Madame Lérand, infirmière, infirmière à la maternité. Il courut chez le maire. « J'ai trouvé le coupable des deux derniers éventrements. »« Hein ?» fit seulement celui-ci, mais il pâlit. Alors Paul Barre, qui au fond ne savait rien ou peu de choses, habilement lui souffla. « Le crime, la nuit, la blessure qui n'est pas celle faite par Euseb Cornet. Rappelez-vous les cadavres que vous avez voulu voir. Et rappelez-vous, en 1916, l'enfant d'Anita, Madame Lérand, infirmière à la maternité, les 1000 francs, et ensuite toute votre fortune passant entre les mains de celle et de celui qui devait être vos victimes. Allons, vous voyez bien que je sais tout. »